Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'incroyable aventure olympique de Eddie the Eagle. It's funny, he divides opinion. If you talk to the British Olympic Association, I mean, he's a total embarrassment. He's persona non grata. But if you talk to the ordinary people in the street, he's something of a folk hero. I think he sort of embodies, you know, the Olympic spirit. L'histoire de Michael Edwards, rapidement surnommé Eddie the Eagle ou Eddie l'Aigle en français, est absolument fascinante. Ce Britannique qui va participer aux compétitions de saut à ski aux Jeux olympiques de Calgary en 1988 va très rapidement devenir une sorte de héros au Royaume-Uni, en même temps qu'une véritable source d'embarras pour l'Association olympique britannique, nous dit en substance le journaliste Simon Hart du Daily Telegraph, qu'on vient d'entendre dans cet extrait qui a été diffusé au réseau anglais de Radio-Canada en 2010. Chose certaine, Eddie l'Aigle s'est tellement fait remarquer aux Jeux de Calgary en 1988 qu'il en est devenu l'une des principales vedettes. Depuis que je suis tout petit, le rêve de ma vie, c'est de participer aux Jeux olympiques. Eddie, tu n'es pas un athlète. Il faut juste que je trouve le bon sport. Je vais être sauteur à ski. Il va se tuer, c'est sûr. C'est moi qui vais le tuer. Le saut à ski, ça se commence à 5 ou 6 ans. Il paraît que vous êtes un champion. Alors vous pourriez peut-être me donner des conseils. Laisse tomber. Celui-là, je te l'offre. Vous pourriez me pousser, s'il vous plaît? Tu veux que je te pousse? Qu'est-ce que c'est haut? Je pensais pas que c'était à... T'as pas du tout l'intention d'abandonner. Je vais y arriver. Je sais ce que c'est d'être mis au rancard. Tu l'auras, ton heure de gloire. Mais tu vas en baver. Vous faites honte à ce sport. Cool. N'ai-je pas le droit de représenter mon pays? Non. Le comité olympique britannique essaie de me décourager. Il faut que je réussisse. La presse veut connaître votre histoire. Je me suis toujours fait virer des équipes où j'étais, avant même d'avoir pu faire mes preuves. Je prends le saut à ski très au sérieux. Et j'adore clouer le bec à mes détracteurs. T'es beaucoup plus courageux que tous tes concurrents. Tu es Eddie the Eagle. Envole-toi. Et il s'élance! Réussira-t-il l'impossible? Vous venez d'entendre la bande-annonce du film Eddie l'Aigle, réalisé par Dexter Fletcher en 2016, pour nous raconter l'incroyable épopée de Michael Edwards, alias Eddie the Eagle ou Eddie l'Aigle Edwards en français. Mon invité, l'animateur et journaliste sportif Pierre Houde. Pierre Houde, bonjour. Bonjour, Jacques. Vous étiez aux Jeux de Calgary, Pierre, en 1988. Mm-hmm. Quand on parle de Michael Edwards, qu'est-ce qui vous revient, vous, tout de suite, en repensant à Calgary, qu'est-ce qui vous revient tout de suite en tête comme image? Je pense d'abord à lui, je pense à l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque. Avant de penser au hockey, c'est incroyable, parce que j'y étais pour le hockey, oui, d'abord et avant tout. Mais comment ne pas s'être laissé complètement envelopper, se laisser transporter par l'histoire abracadabrante de Eddie Edwards, de son vrai nom Michael Edwards, dit l'Aigle. Il était là, vous vous souvenez, il est associé pour vous encore des années plus tard à ces Jeux-là. D'où notre émission d'aujourd'hui, oui. Jacques, je pense que nous avons eu l'idée commune de documenter son histoire et pourquoi on a eu, je pense, le plaisir d'avoir cette idée et de la développer, c'est qu'il y a deux grands axes, oui, de réflexion sur son histoire. On n'a qu'à choisir un ou l'autre en ne perdant jamais de vue celui qu'on laisse de côté. Puis l'extrait qu'on entendait au tout début de ce journaliste britannique, il nous parle de ces deux manières de voir son histoire. Mm-hmm. Ce rêve olympique extraordinaire, ce pourquoi beaucoup de gens l'ont suivi. Et puis, on a beaucoup raconté aussi, ça c'est l'autre version, mais le clown qui n'a pas d'affaires aux Jeux olympiques. C'est un peu ça, au fond, les deux manières de voir. Et il y a bien des gens qui n'ont retenu que ça, ouais, que cette espèce de clown qui était prêt littéralement à faire de la haute voltige pour obtenir l'attention qu'il a récoltée au passage. Mais quand on lit sa biographie, ouais, on réalise que c'est quelqu'un de beaucoup plus... innocent dans le bon sens du terme, genre, ouais, c'est quelqu'un de beaucoup plus passionné. La bande-annonce du film, le petit extrait qui dit « Je veux passionnément participer aux Jeux olympiques », ouais, ce n'est pas du chiquet, c'est vraiment vrai. Il a eu cet élan et à un certain moment, ses parents lui ont dit « C'est ce que tu dois, ouais, faire et nous allons t'appuyer ». Et ça arrive très jeune dans sa vie. On l'écoute justement, le vrai de vrai, Michael Edwards, raconter justement ses Jeux de Calgary, mais surtout son rêve olympique. « It was a dream since I was about 8 years old. Je rêvais depuis l'âge de 8 ans d'aller aux Jeux olympiques, mais aussi du simple fait de représenter mon pays dans un sport. Je ne pouvais pas me douter que ce serait finalement le saut à ski parce qu'à l'époque, j'aimais surtout le football, le cricket, le rugby et l'athlétisme. Je me disais que ce devait être très plaisant pour un athlète d'être excellent au point de représenter sa nation avec l'inscription « Grande-Bretagne » à l'arrière du dossard et de marcher avec fierté. Je me disais que ça devait être vraiment cool. Les Jeux olympiques sont des événements sportifs très particuliers. Je pense que les gens souhaitent tout autant voir des amateurs comme Eddie the Eagle que des professionnels comme Usain Bolt. Au final, le sport reste un divertissement d'abord et avant tout, et les gens veulent être divertis. À mon avis, il y a de la place pour ces deux types d'athlètes aux Jeux olympiques. I think there's room for both types of athletes in the Olympics. Extrait d'une entrevue réalisée au magazine Le Point en mai 2016 avec Eddie the Eagle. C'est ça, que ce qu'il vient de décrire, c'est fabuleux ça, Pierre-Aude, mais il porte en lui cet idéal olympique, ce goût de représenter son pays, et c'est ça que les gens qui vont l'aimer, vont aimer chez lui, je pense. Et c'est ce qu'il a toujours défendu. Il a toujours défendu son droit absolu de représenter son pays dans le sport qu'il a choisi, en autant que les standards soient respectés. Ce qu'il a fait de façon très légitime, Jacques. Alors, lui a toujours prétendu qu'il avait tout à fait le droit de représenter son pays, pas seulement à Calgary, mais il avait l'intention de le faire également dans les Jeux olympiques suivants, c'est-à-dire à Albertville et Lillehammer. Et il a même tenté de se qualifier pour Nagano en 98. Alors, c'est vous dire qu'il y avait toute cette philosophie-là d'un côté et les opposants qui s'appuient surtout sur les grandes performances et sur, sur les standards minimums que l'élite devrait être capable d'accomplir. Ouais. On y reviendra parce qu'il a changé le cours de l'histoire olympique de plus d'une manière, mais entre autres dans la réglementation qui va suivre son passage à Calgary. Mais parlons du jeune Eddie, parce que l'histoire d'Eddie, c'est l'histoire d'un rêve, mais c'est aussi l'histoire d'un gars ultra déterminé, très, très jeune. Oui. Quel genre de gamin il est? Ça nous en dit pas mal déjà sur ce qui va suivre. Puis-je vous donner une anecdote qui va tout vous dire? Lorsqu'il était très jeune enfant, on sonnait à la porte. Il était à sa chambre au deuxième étage et il adorait se laisser glisser sur le ventre dans l'escalier central pour voir la réaction des gens que les parents accueillaient à la porte. Est-ce que ça vous donne une idée du genre de personnage? Déjà très jeune. Veut faire des sauts à vélo à l'école primaire pour impressionner les filles. Et finalement... toute cette énergie et ce goût du risque va trouver son point central, le point central qui va devenir le fil conducteur de sa vie, dans un voyage d'école, tout simplement. Et le hasard fait que le voyage de cette école, de son école secondaire, c'est dans un centre de ski. Et en Italie. Ouais. Et il n'a jamais mis les skis de sa vie, mais rêve de faire ce voyage. Il amasse la somme de 67 livres sterling, ou pounds, si vous voulez, et réussit à s'acheter son ticket pour les 3 semaines en Europe, en Italie. Et c'est là qu'il a la piqûre. Il a la piqûre, et la piqûre, vous savez, il l'a eue avant même de partir. Parce que l'école, et ça, c'est très important dans son développement, Jacques, il y a un centre de ski près de sa ville de Cheltenham, le centre de ski de Gloucester. Et c'est un centre de ski qui a ce site particulier, la surface, elle est synthétique. Ouais. Et l'école avait décidé d'organiser un entraînement avant d'envoyer les jeunes sur les vraies montagnes d'Italie. Et il était déjà très bon, et on le trouvait déjà casse-cou, et on lui lançait déjà toutes sortes de défis sur la piste synthétique. Il a eu beaucoup de difficultés à s'adapter à la vraie neige, mais en quelques semaines, il avait réussi non seulement à maîtriser, mais à dominer les autres élèves et à pratiquer et à exécuter certaines de ces cascades qu'on lui demandait de faire. Et il revient de ce voyage-là complètement, presque obsédé. Tout ce qui tourne autour du ski, de la neige, des montagnes, il est fou de ça, là. Il revient vraiment transformé et à un point qu'il va éventuellement abandonner l'école pour mettre toutes ses énergies dans l'univers du ski. Et ses parents étaient à la fois supporteurs et à la fois réfractaires. Son père travaillait dans la construction et c'était une famille qui avait suffisamment d'argent pour la base de la vie de famille, c'est-à-dire l'éducation de base, les vêtements, les repas et tout ça. Mais c'est une famille qui n'avait pas beaucoup de surplus. Alors, il a donc décidé de faire des petits travaux ici à droite, à gauche et à droite, avec son père notamment. A réussi à faire, évidemment, à amasser quelques économies et arrive sa première occasion de travailler comme mécanicien de ski dans un grand centre en Europe. Parce qu'il avait compris, il faut que ça se passe autour d'une montagne de ski. Ça, c'était clair pour lui. Quand est-ce et dans quelles circonstances il décide, Pierre-Houd, de se dire... Je vais faire les Jeux olympiques, de façon sérieuse. Ben, son rêve a commencé, comme bien des jeunes, son rêve a commencé à l'enfance, ouais. Jacques. Il a été fasciné par les Jeux de 76 à Innsbruck. Et contre toute attente pour un Britannique, ce sont les compétitions de ski qui l'ont vraiment fasciné. C'est Franz Klammer, qui a été le grand roi du ski dans les années 70, qui l'a vraiment inspiré. Ce n'étaient pas les patineurs artistiques, ce n'étaient pas les sports un peu plus à la mode en Angleterre ou en Grande-Bretagne. Et c'est là qu'il a eu une première piqûre sans vraiment le savoir, mais c'est ce fameux voyage de ski à l'âge de 14 ans qui a complètement changé sa vie. Mais il va, d'abord, avant de s'intéresser au saut à ski, faire du ski de descente. Oui. Et il va même essayer d'abord en ski de descente de se qualifier pour faire les Jeux olympiques. Absolument. Et ce qui a été... là où il y a eu vraiment un moment très important dans le fait qu'il ait bifurqué vers le saut à ski, c'est qu'il y a eu un conflit majeur avec son club de ski à Cheltenham. Et le conflit de personnalité, entre guillemets, s'est développé jusqu'à la Fédération anglaise. Il a dit donc, je vais maintenant tenter de développer ma place sur le plan international via la Fédération britannique. Ouais. Et c'est là où c'est très important, parce que c'est ce qui lui a ouvert éventuellement les portes contre vents et marées et contre le gré de certains bons penseurs. C'est ce changement d'allégeance qui lui aura finalement ouvert les portes et qui lui aura permis de s'amener aux portes des grandes compétitions internationales de ski, on s'entend. Mais il ne réussit pas. Il veut faire partie des Jeux à Sarajevo en 84 en ski de descente. Ça ne marche pas. Non. Et là, il décide... Là, c'est une charnière pour lui. D'abord, il décide de partir aux États-Unis. C'est comme ça qu'il va en venir à cette décision de faire du saut à ski. Et ça, Jacques, c'est le pivot de l'histoire de Eddie the Eagle, c'est sa décision d'aller aux États-Unis et de venir à Lake Placid, donc pas très loin d'ici. Pourquoi il l'a fait au départ, c'est que c'était beaucoup trop cher de vivre ou de tenter de vivre et de s'accrocher à ses espoirs de Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe. Il en était rendu à vivre dans des camps de scouts, il en était rendu à dormir dans un vétuste véhicule récréatif que sa famille et lui avaient acheté à bout de bras pour tenter de se promener de circuler. Circuit en circuit. Il décide donc de venir aux États-Unis, mais pas seulement pour une question d'argent, Jacques, pour une question de standard. Parce qu'il avait réalisé sur le circuit, il était très intelligent, et il l'est encore, mais il avait réalisé que sur le circuit de la Coupe du Monde, pour avoir les points de classement nécessaires pour être admis en Coupe du Monde, les standards étaient beaucoup plus sévères en Europe qu'en Amérique. Ah bon? Alors, il a donc dit, je vais économiser un peu d'argent et je vais aussi probablement avoir de meilleures chances de me qualifier pour les grandes compétitions. Parce que son objectif, on revient là, au gamin qui déjà à 8 ans à peu près rêve de représenter son pays aux Jeux olympiques. Ça, c'est son premier objectif. Ah. Et là, il se dit, ça va être plus facile en saut à ski qu'en ski alpin, qu'en ski de descente. Donc, choisit le saut à ski. Parce qu'il n'a plus d'argent. Ouais. Et il n'était plus capable de se payer les remontes-pentes dans les monts avoisinant la région de Lake Placid, dont Whiteface et ainsi de suite. Et il a réalisé que ça ne coûtait rien pour aller sauter sur le tremplin. Mais il réussit quand même, c'est pas rien, là. Comment il réussit à se qualifier? Quand est-ce que ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Le fait qu'il puisse... Je pense que c'est la dernière des dernières chances, à la dernière course, il réussit à se qualifier. Bien, c'est qu'il fallait d'abord, Jacques, établir quel était le record britannique, quel était le standard britannique. Et malheureusement, pour lui, c'était pas très bien documenté. C'était à une époque où la documentation n'existait pas comme aujourd'hui. Et en même temps, c'est un pays qui était absent complètement de cette discipline. Alors, on a fini par établir que ce qu'il fallait qu'il fasse absolument pour établir le standard, il fallait d'abord et avant tout qu'il saute 61 mètres. Ce qu'il a réussi à faire de façon assez rapide. Alors, évidemment, il aura dû d'abord se développer. Il s'est fait mal assez souvent. Oui. Et il a dû faire tout le progrès pour arriver un jour au tremplin 60 mètres. Se faire aider par des gens qui sont déjà dans cette discipline. L'équipement prêté. C'est ça, là, les débuts de Eddie. Et au départ, c'est de l'équipement qu'il trouve dans le fond d'une vieille boîte, dans une remise près du club de saut à ski à Lake Placid. Ça ressemble à des vieilles chaussures de boxeur. Ouais. Souvent, les chaussures sont beaucoup trop grandes. Ouais, il doit bourrer les chaussures avec des chaussettes pour être sûr d'avoir un certain confort. Bref, tout ce parcours-là est absolument extraordinaire. Et il réussit son coup. Il se qualifie pour une participation aux Jeux de Calgary. Et c'est à ce moment-là, quand il arrive à Calgary, qu'arrive ce fameux surnom. Comment ça se passe, le fait qu'on lui dise « Tiens, voici Eddie the Eagle ». J'avoue que je ne savais pas cette facette de l'histoire. Je croyais que son surnom venait de l'école. C'est Eddie qui vient de l'école et non pas The Eagle. Alors, il y a un groupe d'employés de Shell qui avait une présence très importante à Calgary avec l'histoire du pétrole et tout, et qui avait formé un groupe pour l'accueillir parce qu'on avait entendu parler de lui à la télévision, à la BBC. Et on a, sur une bannière de papier continu, de papier informatique de l'époque, inscrit, et je fais la traduction littérale, « Bienvenue à Calgary, aidez The Eagle Edwards ». Ça part de là. Et on lui a dit « Bienvenue, The Eagle, bienvenue, l'aigle ». Ah, il a dit « Bonjour, comment allez-vous ? » Et sachant qu'il était sans le sou, on lui avait amassé 200 $ qu'on lui a remis à son arrivée à l'aéroport. Et là, c'est la folie. Avant même que commencent les compétitions de saut à ski à Calgary, tout le monde s'intéresse à lui, les journalistes du monde entier. Il devient une vedette médiatique instantanément. Il devient une vedette instantanément, à un point tel que l'Association olympique britannique est débordée par le déluge de demandes d'entrevues. Parce que, et même si on n'était pas encore à l'époque des médias sociaux et on n'était pas dans la grande démocratisation des médias comme aujourd'hui, c'était une trop belle histoire pour ne pas vouloir la présenter, Jacques, en image, en son, en écrit, en photo. Alors, tout le monde s'arrachait « Eddie the Eagle », à un point tel que, lorsqu'il aura complété son 70 mètres, il a dû mettre un frein délibéré avec l'association britannique parce que les demandes étaient trop grandes, c'était devenu obsessif et il n'avait plus de temps pour se concentrer pour sa deuxième compétition. Il va même se rendre pendant les Jeux à l'émission de Johnny Carson. C'est incroyable quand même. Ben ça a été la grande consécration parce que et il s'amuse à dire qu'il était là avec son ami Burt Reynolds qui était l'invité, le grand comédien évidemment qu'on connaît bien. Ils se sont un peu liés d'amitié dans la loge avant de faire l'émission. À un point tel que Burt Reynolds lui a laissé son numéro de téléphone. Il lui a dit « Si je cherche des cascadeurs dans un de mes films, je t'appelle. » Puis chez Carson, il a cette candeur où Carson lui demande « Puis ça s'est bien passé. » Puis au fond, il lui dit ben, « J'ai fini 55e sur, ou quelque chose comme ça sur 55. » Parce que Carson joue innocent, lui demande « Alors, quel a été votre résultat? Ben, » 55e sur 55. Et là, tout le monde se met à rire. Mais il a dit « Attention, 55 sur 58 aux 90 mètres. » Parce qu'il y a trois coureurs qui n'ont même pas eu de notes techniques. Il les a devancés par défaut. Tout ça fait que Eddie passe à l'histoire, est intimement associé à ces Jeux de Calgary. C'est vraiment une des grandes, grandes vedettes des Jeux de 88, tant et si bien qu'il sera question de lui à la cérémonie de clôture de ces Jeux olympiques de 1988. Le pire athlète des Jeux. Le pire athlète des Jeux, le dernier, c'est vous qui l'avez vu au saut. Ben, c'est un peu le symbole également. J'ai l'impression que Pierre de Coubertin serait bien heureux de le voir ici. Le symbole de participation. Lui-même a défrayé son passage pour venir ici à Calgary, a participé, ne saute que depuis 2 ans. Et c'était peut-être l'athlète le plus heureux qu'on a pu voir ici aux Jeux olympiques. Très sympathique. Par ailleurs, il y en a plusieurs qui ont déploré le fait qu'on ait admis un bonhomme comme Edwards. Mais comme vous dites, de Coubertin, lui, aurait été heureux. Sauf qu'il y a certains journalistes ici qui ne l'ont pas été parce qu'on disait que c'était peut-être la célébration jusqu'à un certain point de la médiocrité. Enfin, chacun a son opinion là-dessus. Moi, personnellement, je le trouve drôle. Richard Garneau et Serge Arsenault lors de cette cérémonie de clôture des Jeux de Calgary. Vous me donnez le frisson, là, Jacques. Oui, hein, ça vous rappelle des souvenirs. D'accord. 28 février 88, vous étiez là, chanceux. Ouais. Mais tout est dans cet extrait, Pierre-Houd. Oui. Et on revient au départ de l'émission. Les deux manières de voir cette présence d'Eddie l'Aigle à Calgary. Et je suis bien content que mon regretté ami Richard se range un peu de mon côté. Ouais. Le côté sympathique, le côté rafraîchissant. Je pense que Serge avait un peu plus de nuances dans son commentaire, qui était tout à fait légitime aussi. Mais je pense qu'il faut voir l'histoire, et surtout avec le recul de 30 années, je pense qu'il faut voir son histoire comme une histoire qui, malheureusement, qu'on ne voit plus maintenant assez souvent. Parce que, au fond, lorsque les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques sont déclenchées, nous retombons tous des enfants. Nous revenons tous à la doctrine, à la philosophie du baron de Pierre de Coubertin. Et des athlètes comme Eddie Edwards, comme l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque, aux Jeux de 88, 88 particulièrement. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'air à Calgary? L'équipe jamaïcaine de bobsleigh, Eddie de Eagle. Ben, il y avait peut-être le Chinook, Jacques, puisque le Chinook est le vent. C'est des jeux qui restent particuliers. Ah, absolument, ce sont des jeux qui restent particuliers. Et le Canada n'avait pas sa meilleure représentation en 1988, peu importe le sport. Récolte de médailles modestes. Il y avait une certaine morosité sportive par rapport au Canada. On savait que les Soviétiques allaient dominer le hockey. C'était la dernière grande domination de l'époque soviétique. Bref, je pense que les gens, particulièrement ici, se cherchaient une histoire et ils ont trouvé une histoire plus grande que nature en celle de Eddie Edwards. Mais dans les deux versions, dans les deux manières de voir l'histoire de Eddie Edwards, c'est la version plus dure qui va triompher parce que oui, ça nous a fait rêver, c'était sympathique de voir ce gaillard qui était justement très sympathique lui-même et qui incarnait l'esprit olympique, les athlètes amateurs. Mais le CEO va dire c'est fini, non, basta. Lui voulait continuer ensuite à Albertville, à Lillehammer. Ce sera plus possible. Il va y avoir un règlement Eddie Edwards. Oui, et ce qu'il y a de déchirant et même de très triste, quand on lit son autobiographie qu'il a publiée tout de suite après les Jeux de 88. Ouais. C'est pourquoi j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cette autobiographie récemment, parce qu'elle est pure. Ouais. Elle est teintée de la première page à la dernière page à sa passion, à sa grande aventure qu'il a vécue et à sa conviction qu'il avait le droit d'être là parfaitement légitimement. Sauf qu'à un certain moment, et à mesure que les Jeux sont devenus beaucoup plus grands, grandioses, à mesure que les Jeux se sont éclatés à la télévision et que l'argent se soit mis à circuler autour, il y avait une pression énorme pour que ce genre d'athlète soit banni éventuellement ou soit au moins, j'ose le dire de façon très imagée, qu'on les cache un peu à l'auditoire mondial. Et en les empêchant, en mettant des critères qui font que ces gars-là et ces filles-là ne pourront plus participer aux Jeux. Alors, on a simplement fait une chose très simple. On a dit, les 50 meilleurs au monde, vous devez y être, ou sinon, vous devez être dans le 30 % supérieur de tous les compétiteurs mondiaux, ce qui, évidemment, excluait largement Eddie Eagle. Et même s'il a tenté, Eddie Edwards, de passer à travers le processus de qualification et pour Albertville, et pour Lillehammer, et pour Nagano, évidemment, il aura été bien loin du standard. Il devient quoi? Notre fameux aigle après les Jeux de Calgary. Bien, il a été tellement sollicité, il a été tellement floué aussi que tout ça lui a donné envie d'être un avocat. Alors, il a dit, je pense que je vais me diriger vers le droit sportif. Quel athlète ne voudrait pas être défendu par un avocat aigle? Et je fais une traduction littérale. Ouais. Évidemment, il a fait beaucoup d'argent. Il a amassé, dit-on, une fortune d'environ 1 million de livres qu'il a à peu près tout perdu en poursuite de ceci, en poursuite de cela, en fraude. Il y a quantité de femmes qui ont dit qu'il était le père de leurs enfants. Il y a eu toutes sortes d'histoires qui ont été racontées. Et il a gardé environ 10 % de sa fortune. Mais on estime qu'il touche à des revenus d'environ 100 000 livres sterling par année de par sa notoriété en faisant ceci et cela. Pierre Houde, journaliste et animateur sportif, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.